voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio à vous l'été. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La Voix du Peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La Voix du Peuple. Bonsoir Lomé, bonsoir Tchamba, bonsoir Kara, Dapaon, Kwalimé, Bafilo Vogan, bonsoir au vaillant peuple du Togo qui ne se lasse pas du tout depuis plus de 6 mois et mène une résistance farouche au régime dictatorial de Fonia Singbe. Et bienvenue dans l'émission La Voix du Peuple sur Radio à Volonté. Coucou le Tetenta, la voix de la résistance du peuple togolais. Samedi dernier, la mobilisation était grandiose malgré toute forme d'intimidation. La préparation du dialogue s'annonce cette semaine. Que peut-on espérer de la rencontre de la coalition avec Alpha Condé à Conakry et Akufo-Addo à Grasse lundi et demain mardi donc? Fabi Kwasi, journaliste, blogueuse et activiste politique, est notre invité en ligne depuis Lomé. À mes auditeurs patriotes de la diaspora togolaise au Togo, en attendant de prendre notre invité, nous vous proposons tout de suite le journal de la bonne humeur de notre correspondant Anané Fifa depuis Lomé. Merci de nous être fidèle sur Radio à vous l'été. Le journal sur Radio Wanzampine. Radio Wanzampine. Le journal à Nani Fifa. Tribunal Naza est de retour pour faire le show. Anani Fifa est de retour pour faire le show. Vous ne vous trompez pas, nous sommes en janvier 2018. Bonne et heureuse année 2018 à vous tous et à vous toutes. Et bienvenue au tout premier journal de la bonne humeur sur la radio à vous l'été et ses partenaires. La crise politique togolaise n'échappera pas à ma bouche. Sylvain Amos appuie sur le bouton. À présent, le journal sur le WhatsApp. Radio Wanzampine. Radio Wanzampine. Que du rire. C'est depuis le 19 août 2017 que la crise politique togolaise est au paroxysme de l'incroyabilité avec une première démonstration à Tchadamiko typique. Le Neymar politique togolais, si ma mémoire d'éléphant est bonne, a fait appel à Jean-Pierre Orange de l'ANC, Alliance Nationale pour la Contestation. Cette union forcée et sacrée a donné naissance à une coalition de 14 partis politiques que ma fiancée, dans son canapé conjugal, appelle opposition normale. Vous les pensez, Noré ? Cette opposition normale, enviée par des opposants tonneaux vides, organise depuis 6 mois déjà la foi de vive indignation avec une monstrueuse mobilisation afin de déverrouiller l'alternance politique au Togo. Je vais parler des marches. Le bilan était axé sur les atrocités sanguinaires des militaires en connivence avec les miliciens affamés, hypocritement appelés groupes d'autodéfense. Aujourd'hui, comme bilan, on parle des dizaines de morts et des milliers de sandalettes disparues à Décon. Malgré les bastonnades et les atrocités sur les militants de l'opposition, la mobilisation ne faiblit pas. Binge que binge, n'a gagné le chavami. Vous les pensez, Noré ? La preuve d'après la... La preuve d'après la... Vous les pensez, Noré ? Ngaï. La preuve... D'après un nanomètre, ils étaient environ 1 million de Togolais à descendre dans la rue le samedi dernier pour réclamer le départ de Foucault de Kara. Du côté unioristique, les gens ont marché pour la paix. P-A-I-I. Vous les pensez, Noré ? Selon la yarkométrie, la foule qui soutenait Tchalévi Simple au nord était très nombreuse et était estimée à 5000 francs chacun. Certains Togolais ont la conscience morte. Il faut dire que c'était presque un match entre FC Mitimi et FC Papa nous a dit. Le samedi dernier, les supporters de Papa nous a dit ont brandi des pancartes sur lesquelles étaient griffés 2 points ouvrez les guillemets, fort vite Wally, ne touche pas à mon président voleur. Et enfin, 50 ans, c'est trop peu. Vous les pensez, Noré ? Du côté du FC Mitimi, on peut voir 50 ans, ça suffit. ainsi que Fort Mistugo. Allô, Mewa. Fifangeto. Fort Mistugo. Oh. Ce qui m'a plu dans cette histoire de démonstration de marche parallèle, c'est que punir a marché à Kara, la ville antidémocratique. Cela veut dire que dans le Nord, les armes perdues sont finalement retrouvées et que l'opposition va désormais marcher là-bas. Mes chers amis auditrices et auditeurs de la radio, à vous l'été, ses partenaires, en vérité, je vous le dis, notre pays, le Togo, n'a jamais fait preuve de démocratie. Sinon, une seule famille ne dirigerait pas le Togo pendant 50 ans. Elle est possible là. Le Togo n'est pas une république, c'est plutôt un royaume uni. Si ce dialogue que les opposants réclament doit être une chance à l'alternance, il ne se fera jamais. C'est ce qui explique le fond signe de la minorité à aller au référendum. D'après la page Facebook de Jésus, il s'agira d'un référendum à la lue d'un bain de sang. Elle est possible là. Vous les pensez, Noré ? Parce que le thème référendaire est plus vilain qu'un mouton de cacavéli. Tout à fait. La jeunesse africaine, surtout togolaise, doit oublier un peu Lionel Messi et Cristiano Ronaldo et s'intéresser plus à la politique car l'Afrique est malade de ses dirigeants dictateurs. Elle est possible là. L'alternance au Togo est une nécessité. Tout à fait. Le Togo va mal dans une misère qui va bien. Au Togo, pour dévierger une fille, il suffit de lui acheter un plat de spaghetti. Ouh. Nadia. Fifangeto. Un bravo. Le Togolais souffre, mais Foucault de Kara ne veut pas laisser le tabouret présidentiel. Ouh. Vous les possédez. Elle est possible là. Il se prépare pour faire 1000 mandats avec un référendum suicidaire. Voilà pourquoi le 3 janvier dernier, il a présenté un discours robotique avec un cynisme provocationnel. Hinsuka Evichonku m'a dit que le plus hypocrite dans la vie, c'est celui qui ne sait pas qu'il est hypocrite. En principe, aucun Togolais ne doit pas être considéré comme un ennemi quand il dit que 3 mandats, c'est assez suffisant. Tout à fait. C'est une question de bon sens. On ne peut pas être un président simple et refuser de rentrer dans l'histoire. Elle est possible là. Vous l'avez possible, oui. Honnêtement parlant, Faible Nyasingbe n'a pas une vision pour le Togo. Il n'a qu'une télévision. Vous l'avez possible, oui. J'en ai fini. C'était le tout premier humour de l'année 2018 sur la radio à vous l'été et ses partenaires. J'espère qu'on ne va pas retrouver demain de la drogue dans ma maison. La radio Wanzampine. C'est le Wanzampine. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Et bien, pour commenter et analyser la crise sociopolitique au Togo, nous accueillons tout de suite en ligne depuis Lomé, Fabi Kwasi, journaliste, blogueuse et activiste politique. Fabi Kwasi, bonsoir. Sylvain Mons, bonsoir. Bonsoir à vos auditeurs et auditrices. Et bien, Fabi Kwasi, certains intellectuels togolais soutiennent que l'opposition est dans l'illégalité de demander le départ de Fonia Sibé. Depuis 1992, les élections ont été tous contestées. Et par contre, le pouvoir maintient sa légalité. Quel est votre avis sur la transparence des élections au Togo? Qu'en est-il de la légitimité? Mais intellectuel, vous dites, je pense qu'il faut leur trouver un autre qualificatif. Je pense que ce type d'individu qui truffe les universités du Togo sont un danger ambulant pour ce pays. Ces intellectuels dont le régime s'est centenaire a pu acheter âme et conscience étaient où lors du génocide de 2005? Ils étaient où quand, en une seule nuit, M. Nyasingbe Faure, de son rang de ministre, a accédé par coup de baguette magique à la magistrature suprême? Ils étaient où? Ils n'ont pas dénoncé. Ils étaient où? Ils n'ont pas évoqué le droit. Ils étaient où? Ils n'ont pas appliqué leur juridisme. Ils étaient où, ces intellectuels? On n'en a jamais entendu parler. On n'a jamais connu leur nom. Ils étaient où pour que, en 2017, ils surgissent dans le chapeau de M. Nyasingbe pour nous faire le cours de la rétroactivité, de la non-rétroactivité de la loi. C'est avec M. Faure Nyasingbe et tous ces intellectuels-là, et c'est eux qui sont beaucoup plus dans l'illégalité. Nous sommes en pleine crise politique et les intellectuels au lieu d'aider le pays à sortir de ce chaos, au lieu d'aider le Togo à sortir du règne d'une seule famille, d'un seul clan, ils sont là à applaudir la dictature. Mais donc, c'est quel type d'intellectuel? Moi, je ne sais pas comment les qualifier, je ne veux pas être grossière dans votre émission, mais c'est des gens pour lesquels, personnellement, je n'ai aucun respect. Nous sommes en pleine dictature, en tout cas aussi hideuse que sans cœur. Et donc, les élections, vous en parlez aussi, mais c'est un sport de falsification, de trucage et de mascarade pour Gnassingbé père et fils. En tout cas, ils n'ont gagné aucune élection, ni Yadema Gnassingbé, ni For Gnassingbé. Alors là, aucune élection. On se rappelle très bien de 1998. On se rappelle aussi de 2003, la dernière élection de Yadema. Ça a été une mascarade grandeur nature. Le fils est une version pire du père en la matière, avec beaucoup de morts en 2005, entre 500 et 1000 morts. Et avant même les morts, vous rappelez très bien que c'est dans ce pays, au cours de cette élection de 2005, que les corps habillés ont emporté les urnes dans les aisselles, avec une course pas possible. De quelle élection parlez-vous? Avec quel fichier électoral? Un fichier électoral tronqué pour un monsieur qui n'a aucun respect pour les lois du pays et dont la base électorale n'avoisinerait pas en réalité les 10% selon des experts en matière électorale. Mais les élections au Togo, tout le monde sait à quoi ça rime. Ce n'est pas parce que des observateurs de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la CEDEAO viennent dire que tout s'est bien passé, que les élections sont un panacée pour la crise au Togo. Toutes les institutions sont verrouillées et dans les mains de la dictature. Comment on pouvait organiser une élection avec des gens qui sont arbitres, joueurs, financiers, qui ont tous les appareils, toutes les manettes de pouvoir entre les mains? Mais c'est devenu un sport pour eux, c'est devenu promenade de santé. Ça va être truqué, ça va être typé. Une élection dans une dictature, c'est une aberration francophone, on va dire. Une aberration qui n'est plus tolérable. Nous sommes quand même en 2018 et For Gnassingbé n'a jamais gagné aucune élection et il le sait très bien. Fabi Kwasi, vous avez tout à fait raison, car le problème de la non-transparence des élections s'est plusieurs fois posé et beaucoup de Togolais pensent d'ailleurs que les élections ne seront jamais une solution pour la crise au Togo. Écoutez, Fabi Kwasi, samedi dernier, ils étaient encore des milliards sortis dans les rues de Lomé à l'appel de la coalition des 14. La même date, dans la diaspora, notamment à Berlin, à Freiburg, dans plusieurs villes des États-Unis ou au Canada, la mobilisation ne faiblit pas du tout. Et cela, il y a quand même le froid, hein, qui est quand même intense, hein, cette ancienne Europe. Et malgré tout cela, For Gnassingbé fonce droit au référendum. Le pouvoir est en train de mettre en place les CELI. Est-ce un piège à l'opposition participationniste aux élections antérieures, Fabi Kwasi? Pour tirer quand même un coup de chapeau à cette diaspora qui reste debout aux côtés des Togolais de l'intérieur dans la lutte pour un Togo lors de l'humanité. Cette diaspora qui fait un travail de conscientisation, de sensibilisation des puissances du monde. On a eu des échos de la marche de Berlin, de Fribourg, de Washington, de Ottawa. Une marche est annoncée aussi en Italie. En tout cas, dans le monde entier, les Togolais font parler d'eux, font parler de leur pays, attirent l'attention du monde entier sur le Togo atypique et dictatorial. Personne ne dira demain qui n'a été informé, qui ne sait pas le pays qu'on appelle Togo, qui ne connaît pas Monsieur For Gnassingbé, sa famille qui trône sur le pays depuis une cinquantaine d'années, qui ont pillé toutes les richesses, toutes les ressources du pays et qui ont été incapables de construire un seul hôpital de valeur. Et donc à cette diaspora-là, à ce peuple en lutte, je pense qu'il faut tirer un coup de chapeau. Et ça attire aussi l'attention des dirigeants du monde qui font semblant de ne pas voir ce qui se passe et qui en sourdine soutiennent la dictature, qu'il y en a marre. il y a un peuple, il y a 7 millions d'âmes, il y a des Togolais qui veulent voir autre chose, qui aspirent à la démocratie, qui veulent rentrer également construire leur pays, et ça ne peut pas se faire avec cette famille, cette dictature au pouvoir. Vous parlez de référendum, vous parlez de CENI, vous parlez des CELI, mais M. Fornia Simbe veut prouver au monde entier qu'il est un crâneur. Je pense que c'est un journal allemand qui l'appelle ainsi, qui l'a surnommé ainsi. Il est un crâneur, mais je pense que toute raison gardée, toute proportion gardée, M. Fornia Simbe sait très bien qu'en voulant foncer dans le mur, il va conduire le Togo vers des lendemains obscurs. Parce qu'un peuple qui est poussé à bout, comme le peuple du Togo, ne peut que remonter à la surface. Quand on touche le fond, on remonte à la surface. Et donc, ce n'est pas la peine de vouloir montrer ses muscles. Ce n'est pas la peine de sortir la grosse artillerie pour massacrer tout ce qu'on peut massacrer. Il est temps que ceux qui l'entourent et ceux qui le font croire qu'il est le seul maître à bord, parce que lui-même, il veut entendre ce qu'on lui dit, il est temps qu'il sache que 50 ans, ils ont volé 50 ans de tout un pays, ce n'est pas petit, que ça là, il faut arrêter. Cette élection qu'il veut organiser au résultat déjà connu, les Togolais ne sont pas prêts à l'accepter. Ah, il y a aussi ce débat-là, qu'eux aussi mobilisent. Nous parlons du peuple en lutte. Nous savons qu'ils sont minoritaires dans ce pays parce que M. Nyasimbe lui-même a reconnu que c'est une minorité qui pille la ressource de ce pays. Et donc cette minorité-là, il est temps que cette minorité n'impose pas sa vision des choses, qui n'est pas une vision constructive à toute la majorité. Vous avez pris le pays pendant 50 ans, vous n'avez pas construit un seul hôpital digne de ce nom. Les logements, c'est la catastrophe, l'éducation est à terre, la santé à terre, l'agriculture, rien. Vous êtes là depuis 13 ans, M. Nyasimbe, vous n'avez pu faire grand-chose pour le pays. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore les 5, les 10 prochaines années? Absolument rien. Il est temps tout simplement de plier bagage. Donc cette histoire d'élection, en tout cas personnellement, je pense que c'est une fuite en avant. Le problème réel, c'est le problème de la longévité d'une famille, d'un clan et d'une minorité au pouvoir. Et il faut régler ce problème-là. Ce problème doit être réglé assez rapidement parce que nous sommes au bout du bout. Nous sommes au bout du bout et d'une façon ou d'une autre, je le répète, les Togolais trouveront leur voie pour se libérer du joug de la dictature. Tout à fait, Fabi Kwasi, le peuple togolais est debout à jamais et dans cette crise sociopolitique, le gouvernement togolais assimile les manifestations publiques pacifiques du peuple à des actes terroristes et sous prétexte que des militaires auraient été décapités et leurs âmes emportées. Et Fabi Kwasi, selon des informations, le pouvoir est en train de faire du lobbying, surtout auprès des États-Unis, l'Union européenne, etc. Quelle est votre lecture de la situation? Vous voyez, monsieur Amos, ça, c'est une fuite en avant. C'est de la délation, c'est un manque criard d'irresponsabilité. Traiter aujourd'hui des citoyens, des responsables politiques, un parti politique de terroriste, alors que vous-même, vous lui avez donné quitus, reconnu légalement ce parti politique l'a désercé comme parti politique et parce qu'il a eu affaire le 19 août 2017, il est devenu un terroriste, un adepte du djihadisme, ça fait pas sérieux, un peu de sérieux. Les terroristes dans ce pays, c'est le régime séquentenaire, incarné par M. Fornia Simbe. Vous êtes en face des pyromanes qui ont incendié les marchés de Lomé de Kara. Mais si vous savez ce qu'endurent les femmes du grand marché de Lomé, si vous savez combien en sont décédés, si vous savez combien sont en crise de folie, si vous savez comment leur vie est en lambeaux et c'est des gens qui dirigent ce pays, qui sont dans les compartiments de l'État, qui ont eu à perpétrer un tel crime, on se demande quel cœur ils ont pour incendier des marchés. Au-delà de la méchanceté gratuite, c'est quel type de dirigeant qui peut être capable de cela? Et c'est eux qui traitent les autres, qui sont les menus de terroristes. Mais ce n'est pas possible. C'est un gang qui est au pouvoir, qui use de torture sur les citoyens pour après falsifier le rapport de ces actes de torture. Vous vous rappelez très bien le rapport de torture dans l'affaire Kwatia Nyasimbe, mais le rapport a été falsifié. C'est ce qui a valu l'exil au président de la CNDH d'alors, M. Kofi Kunté. Mais comment vous pouvez imaginer un seul instant que des gens comme ça traitent d'autres de terroristes. Un régime qui assassine. Un régime qui assassine et même des enfants. Et c'est ce régime-là qui traite les gens de terroristes. Un régime qui entretient des milices et qui leur trouve des situations atténuantes et les appelle des groupes d'autodéfense. Mais des milices qui sont applaudies, qui sont encouragées. Mais les vrais terroristes, c'est eux qui ont pris en otage ce pays depuis 50 ans. C'est ce régime sans foi ni loi qui fait la pluie, le beau temps, dans la violation systématique des droits de l'homme. C'est ce régime-là qui est terroriste. Et vous savez, ce rapport, je l'ai lu, je ne tombe pas des nues parce que je sais que toute la République d'Enyasimbe est bâtie sur du mensonge. Sur du mensonge et de la bêtise humaine. Mais les Américains, ils ne sont pas dupes, ils ne sont pas nés de la dernière pluie. Ils peuvent vérifier ce tissu de mensonges, en tout cas s'ils ont le courage de le lire jusqu'à la fin, mais ils peuvent demander une contre-expertise, demander des informations coupées, entrecoupées. Ils finiront par se rendre compte que le PNP de M. Achadam Tipi est un parti politique légalement constitué avec le sceau du ministère de l'administration territoriale du Togo et non un parti politique qui sert des causes terroristes. Mais le pouvoir américain doit pouvoir savoir aussi que le pouvoir togolais n'a pas de limite dans le mal et dans la violence et dans les assassinats. Par rapport à ce pouvoir qui peut ôter facilement la vie d'un citoyen et face à un parti politique de M. Achadam Tipi, mais celui qui est terroriste et celui qui ne l'est pas, mais je pense que c'est quand même clair comme de l'eau de roche. Donc, comme je le dis, les Américains ne sont pas dupes. Ils finiront par se rendre compte de la supercherie. Mais vous savez, nous sommes à un niveau de déviance au sommet de l'État que pondre quand même ce rapport au nom du Togo, avec les armoiries du Togo, avec les couleurs de la nation togolaise et l'envoyer quand même au département d'État américain. Quand même, je pense que les Togolais ont raison de demander que ce régime puisse partir. Parce que 50 ans, c'est une bêtise planétaire, c'est un scandale grandeur nature. Et ces gens-là, ils ne peuvent pas diriger le Togo. Ils n'en ont jamais été capables d'ailleurs. On en est là parce que les puissances occidentales ont eu à assassiner le président Sylvanus Olympio, dont on a commémoré ses 55 ans d'anniversaire d'assassinat. Le Togo ne devrait pas être dans cette situation-là. Ils nous ont mis dans la dictature, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Eh bien, Fabi Kwasi Ankrah, ce que vous venez de dire, c'est plutôt le pouvoir de Faure Gnassingbé qui terrorise ce peuple, car on parle de miliciens proches de ce pouvoir. Rapidement, une dernière question, Fabi Kwasi. La préparation du dialogue s'annonce cette semaine. Que peut-on espérer de la rencontre de la coalition avec Alpha Condé à Conakry et Akufo-Addo à Accra ce lundi et demain mardi, donc, Fabi Kwasi? Moi, je ne suis pas fan de dialogue. Je suis contre d'ailleurs le dialogue. Le dialogue avec des criminels, le dialogue auquel on participe et vous avez des gens qui ont Kalachnikov sous la table, je suis contre ce dialogue-là parce que le résultat est connu. Mais vous voyez, c'est très important que ces messieurs de la CEDEAO et de l'Union africaine puissent être impliqués dans la crise togolaise pour que demain, qu'ils ne disent pas qu'ils ont fait de leur mieux, qu'ils ont laissé les Togolais dialoguer entre eux et donc que les Togolais eux-mêmes doivent veiller à l'application des résultats d'un dialogue à la con aux conditions de M. Faure Gnassingbé. Vous savez pourquoi il est important qu'il soit là pour être responsable pour une fois? Parce que vous savez, la CEDEAO a instauré cette situation-là. C'est eux qui ont installé M. Faure Gnassingbé à la tête du Togo en 2005. Vous rappelez de leur tergiversation et de ce gangstérisme-là dont nos chefs d'État africains font montre à chaque fois qu'il s'agit de préserver leur foutu intérêt. Ils nous ont mis dans cette situation-là. Il est temps qu'ils soient là-dedans, qu'ils soient impliqués pour qu'ils soient responsabilisés par rapport à la situation du Togo. Pas parce qu'on attend qu'ils décrochent la lune pour les Togolais, mais c'est pour leur dire, mais la CEDEAO est arrivée à un moment en 2005, nous a mis dans ce pétrin-là. L'Union africaine a avalisé. Voilà, nous sommes en face d'un dictateur qui ne veut pas entendre raison. Vous l'avez mis, vous l'avez fabriqué, vous en faites quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'axe Conakry-Accra, mais la coalition sait très bien ce que le peuple en lutte veut. Parce que quand le concept même de peuple est devenu quelque chose de qui suscite débat dans le pays. On dit que tout le monde a son peuple. Je parle de peuple en lutte contre la dictature. Et donc, la coalition, aujourd'hui, en l'absence d'une société civile forte et responsable, est le seul regroupement qui a pris en compte les aspirations du peuple en lutte, à savoir le retour à la Constitution de 92, le vote de la diaspora et la libération de tous les détenus politiques. À partir de ce moment-là, la coalition n'est que porte-parole. Elle ne peut pas aller dire autre chose à Conakry ou à Accra et revenir à Lomé nous dire que bon, on va aller dialoguer avec les criminels Kalachnikov sous la table. Nana Akufo-Addo du Ghana et Alpha Condé de la Guinée sont impliqués dès le départ. Ils ont été sollicités par leur père, Faure Gnassingbé. Eh bien, s'ils veulent soutenir Faure Gnassingbé, qu'ils le fassent. S'ils veulent soutenir le peuple togolais, qu'ils le fassent. Mais en tout cas, il faut qu'ils s'impliquent dans la situation là qu'ils nous ont fabriquée et qui va leur péter à la gueule du jour au lendemain s'ils ne veulent pas jouer leur rôle. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'opposition, la coalition a la pression, et c'est normal, et gare à un seul membre de cette coalition qui va dégainer le premier pour aller courir vers un dialogue moribond, un dialogue taillé aux conditions de M. Faure Gnassingbé. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, il faut tenir ferme avec ce régime. Ce régime, il faut tenir ferme avec lui. Un régime sans cœur, un régime sans âme, un régime qui n'a aucun respect pour la vie et la dignité humaine. Je pense qu'il faut tenir ferme et respecter les désiderata du peuple en lutte pour un Togo autre. En tout cas, Fabi Kwasi, dialogue ou pas, le peuple togolais, lui, veut le départ de Faure Gnassingbé. Merci d'avoir commenté et analysé la crise sociopolitique au Togo en ligne. Depuis Lomé, vous êtes journaliste, blogueuse et activiste politique. Bonsoir. Togolaise et Togolais de la diaspora, le moment décisif d'apporter notre appui déterminant au peuple togolais pour bouter définitivement Faure Gnassingbé dehors est arrivé. La coalition de la diaspora pour l'alternance et la démocratie saisit l'urgence du moment et dans la continuité de l'esprit de Paris vous propose les 2, 3 et 4 mars prochains la tenue des grandes assises de la diaspora pour mettre en synergie nos forces et capacités. La coalition de la diaspora pour l'alternance et la démocratie Kodi Togo invite les diasporas des Togolais des différents pays ou villes du monde désireux d'accueillir les assises de soumettre leur candidature sur le site de koditogo.org au plus tard le 24 janvier 2018. Tous les Togolaises et Togolais, les organisations, les mouvements et les personnes ressources de la diaspora qui luttent pour l'alternance et la démocratie au Togo sont vivement conviés aux assises. Pour toute information ou suggestion, visitez le site www.koditogo.org ou envoyez un courriel à info@koditogo.org. Togolais, viens, bâtissons la cité, vaincrons ou mourons, mais dans la dignité. 50 ans, ça suffit. Faure Gnassingbé doit maintenant partir, et maintenant, la victoire appartient au peuple togolais souverain. Togo, debout, à vous l'été. Coucou l'été, Tenta. Eh bien, pas tout au togolais, et nous terminons notre édition de ce soir avec notre rubrique, la libre expression, le thème. Certains intellectuels togolais soutiennent que l'opposition est dans l'illégalité de demander le départ de Faure Gnassingbé. Depuis 1992, les élections ont toutes été contestées. Par contre, le pouvoir maintient sa légalité. Quel est votre avis sur la transparence des élections au Togo? Qu'en est-il de la légitimité? Nous vous proposons quelques réactions en français et aminant de nos auditeurs. Radio à vous l'été. La libre expression du peuple. Oui, bonsoir, Radio à vous l'été. Ok. Oh. Togo venya en toi. Je vois qui qu'on a, messieurs. Élection, venya. Élection. Élection, quoi d'or. Oh, 2015, venya. Alberto, va venir de Lisa Mion. Lisa Mion, ou à trop, Lisa. Ou bien, on qu'en domine. Ou à mon bayako. Gamé soit mouille. Donc, Togo venya en toi, c'est comme si. Oh, et moi, maintenant, qu'on a tout, quoi. Non, mais l'élection, moi, mina, beaucoup, t'as même pas l'élection, là. Nous, on t'en est quand on y est. L'élection, moi, on l'a boycotté. Nous, on t'en est quand on y est. L'élection, tout le monde, on a clair, on ancora meno la classe future. Nord Godio, je suis d'accord avec mais villes Nord Godio, puisque opposition à mes groupes de mon nord. Il y a un peu de problème, je vais aller sur ma mère, non, il y a un bureau de route de l'homère. On m'a proposé à mes groupes, il y a un peu de problème, c'est la raison que je dis. Non, il y a un bureau de route, on prend opposition à mon téléphone, mais il y a un peu de problème, on touche à Caranon, on est de l'eau. Même si on a une proposition à mon touche à Omina School, Omina, Omtenona, non. Donc, on est venu à Moëlea. Alors, parti pour voir Eléa. On est parti pour voir toi, Eléa. Oh, bon, on a moi. Les deux, on nous a nous. Ouais, on a mis en touch, on nous a mis en benao. Mais par contre, on est venu à Nava Mou. On est venu à Mou, on a mis les propres. On a toi, ma position, toi, à mon nom, à bureau à Chanao. Fika me role ya omnya ngonglo donc si je comprends bien pouvoir à galaxie donc elle met là bas moi à l'aise mais opposition toi gamle donc à question on a ko nyang ko mene gala choix et les gens faut pas aller parce que politique à gara na choku mala wai sinon de toute façon ya ki nyang ko mene de élection to do fi élection na pin tom kokpo élection le pin ko le clair et net pas puisque nous komi pona nous komi sénacha ya nyang kokpo élection to go fi kokpo lo. Il y a un peu surtout le nord. Mais dans la région Martin, mes filles, Tommy, dans la région, il y a des tipiètes dans la toile. Moi, il y a une réalité. On te trouve une tonne. Puisque quand j'ai secouru, j'ai dit, Mango, quand j'ai 40 ans, mes fiefs, mais il y a un camp de 10 mots dans la nord. Puisque les mines au bureau de vote, c'est une question j'entends quand les miens beaucoup et toi, on ne veut pas de lui, mais comment armer le chef, ou même il y a un soutien que toi. Donc c'est ça. C'est comme ça. L'élection à Togo, c'est pas ça. Non, donc on a trop organisé les listes électorales. Attends, on a mettre le roi au CENI, on trop dans les CENI. CELI, alors CENI, je sais pas. CENI, oui, c'est ça. Ou à Doliamo, le fond, on a trop mis pas de choses pour pouvoir organiser l'élection. Non. CENI, le roi, est indépendant. On a pas de choses pour pouvoir organiser l'élection. Donc quand on a des mots, Kinjo, c'est là, nous sommes indépendants. On a somme beaucoup de partis. Société civile, bah, moi, non, fond, qu'à moi, politique, moi, y'a des points, quand, oh, ah. Y'a organisé quoi, quoi, mais là, comme, y'a, mais qu'est-ce que donc, c'est ça. Merci. Allô, Sylvain. Allô, chers auditeurs. Allô, chères auditrices. Élection, ben, y'a, les Togo, hein. Ben, les mauvais, mais, ben, ben, mon blonde, l'eau. Mika, depuis 50 ans, mille élections, le duel, mais, moi, les marchés. Qu'est-ce que, là, ou élection, hein. Fort année, Joe. Nous présenter à mes boules et unir à Néwa dans l'équipe à qui ne sait ni à Némia non sûr, ben en transition là non mieux de vota et là se passer mieux de Nia. Je ne vois pas de Mouenois bon oeil et élection ben y'a encore les blocs parce que vote à quoi avec Bofine on finit avec Bé bientôt il parle qu'au drôle urne à son foudre. Donc, ah, du coup, à élection ben y'a la paque ou année à mai à l'eau 2021 élection man à Niolo élection man à Nio. Et pour moi, l'élection, man, agneau. Et ouais, l'élection, ouais, en temps d'aider, ou là, ouais, avec campagne, y'a là, avec se présenter à nos yi. Ouais, nous, qui y'a m'a proposé, là, et coalition, y'a coalition, bah, yi, élection, les pépinto, président, ça, ben, alors, ni président, les doués, même, ni forcé, ben, y'a. Mais, mi, pas, ben, moi, m'le, n'y'a, ouais, non, ma, ouais, si, gle, que, du quoi, les dji, ouais, que, ouais, douane, non, néné, né, n'y'a, non, protesté, kaka, les gamins, qui m'y, les boulots, ouais, né, vers mes quoi. Il avait une élection. Il m'a dit une élection pour me confier à Kogbessiak, Béoré, au maître Wabé Noua en place depuis ses 50 ans. Il m'a dit que c'était une élection pour me confier à donc, à l'année pour Mila, on se souvient qu'il y a signé. Bonsoir, Sylvain. Concernant l'histoire de l'illégalité de l'opposition togolaise a demandé le départ de Faure Gnassingbé. Personnellement, je ne trouve pas qu'ils soient dans l'illégalité. Je pense qu'ils sont plutôt dans l'absurdité totale. C'est le peuple qui est dans la légitimité d'exprimer son ras-le-bol et de demander à ce gouvernement de dégager. Mais l'opposition a toujours joué le jeu de nos bourreaux. Et aujourd'hui, elle est en train de demander à ces mêmes personnes avec qui elle a coopéré maintes fois de partir. Donc, elle se retrouve pieds et mains liés face à ces gens-là qui n'ont aucune espèce d'égard envers eux et c'est normal. Vous dites que, par contre, le pouvoir se maintient dans la légalité depuis 1992, alors que les élections ont toujours été contestées. Le pouvoir ne se maintient pas dans la légalité. Légalité ou pas, ils s'en fichent complètement parce qu'ils ont la force de dissuasion, qui sont les armes. Donc, avec une telle force de leur côté, ils se fichent de savoir s'ils sont dans la légalité ou pas. Tant qu'ils arrivent à maintenir la population sous leur joug, ils continuent leur petit bonhomme de chemin sans problème. Donc, vous parlez aussi vous demandez notre avis sur la transparence d'éventuelles élections au Togo. Mais quel genre d'élection fait-on avec une telle force de dissuasion? Vous avez des fusils sous la tempe qui vous menacent et vous allez faire quoi comme élection? Vous allez voter quoi pour qui? Et qu'est-ce qui va même en ressortir? Est-ce que celui qui vous envoie aux élections, qui vous propose les élections tout en vous menaçant d'armes, va faire ressortir ce que vous voulez des urnes, ou bien il va faire ressortir ce qu'il veut de ces urnes-là? Donc cette affaire-là est caduque d'avance. Et il y a une chanson de Koffi Olomide où il dit: l'amour n'existe pas, il n'existe que des preuves d'amour. Donc, dans l'histoire de notre avancée vers la démocratie, ce n'est pas des paroles, des promesses de dialogue, des déclarations et des mots venant des deux côtés, que ce soit opposition ou du parti au pouvoir, qui va faire avancer les choses. Ce sont les signes et les symboles concrets qu'ils nous envoient. Et jusqu'à présent, entre les mots, les déclarations qu'ils ont et les signes que on reçoit sur le terrain, il y a un véritable hiatus. Donc, que quelqu'un ne vienne pas nous raconter aujourd'hui que on va aller aux élections et que ça va aller, ou bien on va aller discuter comment faire les élections propres, parler de la CENI, organiser la CENI, et puis quelque chose va réellement sortir de ces élections. Alors que on continue de nous frapper, de rentrer dans les maisons, d'assiéger, d'affamer les personnes sur le terrain. Il faut voir clair dans cette histoire-là et arrêter de se mentir, sinon on n'avancera jamais. Eh bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition de l'émission La Voix du Peuple. C'est le peuple togolais qui s'exprime de différentes manières. Merci de l'avoir suivi sur Radio Avolété. Coucou le Tetenka, la lutte continue. Merci et restez en résistance sur votre radio de résistance, Radio Avolété. Et retenons encore ceci de Feu Thomas Sankara. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Et le peuple togolais est en lutte. Bonsoir, à vous l'été. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio à vous l'été. La voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La Voix du Peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La Voix.